maintenant que je suis dans le camp. Je fais la concu dans le gangbang. Les soirs que tu crois c'est la peine. Sous le shampoo ça fait bang bang. Les masques des flingues on les éteint. Laissez mes billets dans le sac, ouais. Laissez mes billets dans le sac. Le genre de paye, on boit du champagne. Forcément c'est pour le fric. Fuck à la crève, j'vais pas me lever. Fuck à la ville à l'autiste. J'conduis ma drive, faire les magasins. Lever mes lits sur le tech, ils appellent les cops si personne vient. Ça démarre dans la cheese et les joints, ça finit derrière, la vitre s'en teint. Tu sais c'est nous, quand on entend siffler les balles. Moi mes enfoirés, tu peux pas nous jouer les balles. Tu sais chez nous, ça fait parler les armes. Moi mes enfoirés, tu peux pas nous jouer les balles. Pas de menaces, pas des promesses. J'ai déjà perdu mon sommeil. On suit le code depuis l'adolescence. Depuis l'adolescence. Pas de menaces que des promesses. Maintenant que je suis dans le grand bain, je fais la concu dans le gangbang. Les soirs que tu crois c'est la peine. Sous le shampoo ça fait bang bang. Les masques et des flingues on les éteint. Laissez mes billets dans le sac, ouais. Laissez mes billets dans le sac. Le genre de paye, on boit du champagne. Forcément c'est pour la clique. Faut en mon dieu, faut en mon gang. Feu rouge on abaisse les vitres. Collier du Christ, cheveux au vent. Forcément c'est pour la vie, à tout jamais, comme les liens du sang. Parle à mes amis d'avant, et je vais te dire les effets du temps. Rouge et bleu quand y'a du décès. Tu laissais aller dans la caisse, y'a les bleus dans la caisse, y'a nos noms dans le dossier. Attends je te montre on fait des grosses. Plaqué au nom des villes allemandes. L'équipement vient de Moscou. On tirait les parois se fragmentent. Ça finit du sang dans la charpente. 300 litres dans un diesel. C'est l'oseille qui parle dès le réveil. Un fusil à pompe sous le BZ. Sa mère le monde et ses merveilles. Énervé moi ni à ces temps-ci. J'accélère je vais en séquence. Tous nos morts ont leur étoile au ciel. Oh. Pas de menaces que des promesses. J'ai déjà perdu mon sommeil. On suit le code depuis l'adolescence. Pas de menaces que des promesses. Maintenant que je suis dans le grand bain, je fais la concu dans le gangbang. Les soirs que tu crois c'est la peine. Sous le shampoo ça fait bang bang. Les masques et des flingues on les éteint. Laissez mes billets dans le sac, ouais. Laissez mes billets dans le sac. Le genre de paye, on boit du champagne. Depuis l'adolescence.